Denise, voici longtemps que je veux causer. En bas, on ne peut jamais. Puis, vous avez eu l'air si triste ce soir à table. Contez-moi vos petites affaires. Peu à peu, Denise se livra, parla de Jean et de Pépé, dit combien la question d'argent la torturait, ce qui les amena toutes deux à tomber sur ces demoiselles des confections. Pauline se soulageait. Oh, les mauvaises teignes! Si elles se conduisaient en bonne camarade, vous pourriez vous faire plus de 100 francs. Tout le monde m'en veut, sans que je sache pourquoi, disait Denise, gagnée par les larmes. L'autre l'interrompit. Mais que vous êtes donc enfant de vous chagriner ainsi? Est-ce malheureux d'être si sensible? Pardi, ce qui vous arrive, arrive à toutes. On vous fait payer la bienvenue. Elle lui saisit les mains, elle l'embrassa, emportée par son bon cœur. La question d'argent était plus grave. Certainement, une pauvre fille ne pouvait soutenir ses deux frères, payer la pension du petit et régaler les maîtresses du grand, en ramassant les quelques sous douteux dont les autres ne voulaient point. Car il était à craindre qu'on ne la pointât pas avant la reprise des affaires, en mars. « Écoutez, il est impossible que vous teniez le coup davantage, » dit Pauline. « Moi, à votre place ?» Mais un bruit, venu du corridor, la fit taire. C'était peut-être Marguerite, qu'on accusait de se promener, en chemise de nuit, pour moucharder le sommeil des autres.